السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله عز وجل الذي من علينا بنعمه الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد، وهو القائل جل وعلا في كتابه العزيز: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ومن نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن يسر لنا مواسم الخيرات والبركات والطاعات، ويسر لنا إدراك شهر رمضان المبارك. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على الصيام والقيام وأن يوفقنا إلى كل خير. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a comblés de ses nombreux bienfaits. Et sans aucun doute, parmi ses plus grands bienfaits, le fait qu'il nous ait permis d'atteindre le mois de Ramadan en bonne santé pour pouvoir le jeûner, pour pouvoir nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala de par l'adoration. Et parmi les grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, amthal hadhi al-majalis fi bayt min buyutillah. Et parmi les grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, ces assises dans ces demeures, dans la mosquée. فَهُوَ خَيْرُ بِقَاعِ الْأَرْضِ وَأَحَبُّهَا إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. C'est le meilleur endroit au monde et l'endroit le plus aimé chez Allah subhanahu wa ta'ala, et l'endroit dans lequel nous nous rappelons les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فوجد أصحابه جالسين يتذاكروا، فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله وما من الله علينا من نعمة الإسلام والهداية وعدوا أمورا. فقال لهم: الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا هذا. ثم قال لهم: أما أنا إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل وأخبرني بأن الله يباهي بكم ملائكته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti un jour à la mosquée et il a trouvé ses compagnons dans une assise et il leur a dit: quelle est la cause de votre assise? Ils lui ont répondu: nous sommes assis afin de nous rappeler Allah, ses bienfaits sur nous et ce par quoi il nous a comblés en nous guidant à l'islam. Et ils ont cité d'autres bienfaits. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: vous jurez par Allah que ceci est la cause? Ils ont dit: par Allah, ceci est la cause. Puis il leur a dit: sachez que je ne vous ai pas fait jurer car j'avais des doutes, mais plutôt car Jibril m'est venu et m'a informé qu'Allah se vantait de vous auprès des anges. Wa yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. Celui qui emprunte un chemin à la recherche de la science, par ce chemin-là Allah lui facilite un chemin vers le paradis. ويقول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans sa religion. Tous ces textes nous montrent le grand bienfait d'Allah sur nous, subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il nous a permis de nous unir dans cette mosquée, afin de nous rappeler ses bienfaits. كلامنا في هذه الجلسة في غاية الأهمية. Et notre sujet ici aura la plus grande importance. لأنه يتعلق بالقرآن. Car il est en rapport avec le Coran, la parole d'Allah سبحانه وتعالى. وسيكون في تفسير أعظم آية أنزلت على رسول من رسل الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام. Le sujet sera l'explication et la citation de certains trésors que renferme Al-Fatih. وسنقرأ في كتاب لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تفسير من آية القرآن الكريم. Dans ce livre, on a réuni les paroles de ce grand imam sur l'explication du Coran. Et les savants n'ont pas tout réuni. Mais cette épître contient beaucoup de khayr, beaucoup de bien. Tafsir ayatin min al-Qur'an al-Karim. Les savants ont beaucoup fait les éloges de ce livre, que ce soit les contemporains de l'auteur ou que ce soit les savants de notre époque. Wa tariqatuhu rahimahullah ta'ala fi hadha at-tafsir تشبه طريقة كتاب التوحيد أي جاء بالآيات ثم أتبعها بالمسائل. Et l'auteur a écrit ce tafsir à la manière de son livre Kitab al-Tawhid, الذي هو حق الله على العبيد. C'est-à-dire qu'il a cité les versets, puis a cité ce que nous pouvons tirer de ces versets. Et son tafsir s'est distingué d'autres écrits ou d'autres auteurs par plusieurs points. Et le savant de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Abdul Razak al-Badr, a fait l'explication de ce livre. Et il nous dit, parmi les points particuliers de ce tafsir, « Annahu tafsiru imam muslih mujaddid, urifa bifadli wa makanati al-aliyah » في فهم القرآن والسنة وعنايته العظيمة بمقام التوحيد بيانا ونصحا وتحذيرا من ضده الإشراك بالله ونصرة للسنة ورد للبدع بجميع أشكالها. الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى nous dit que ce tafsir a une place toute particulière, car c'est le tafsir d'un imam, d'un guide dans la communauté, de celui qui a revivifié la sunna et l'islam, celui qui a été connu pour ses qualités, ses mérites et sa grande place et sa grande compréhension du Coran et de la Sunna, et le soin qu'il a eu et a exposé at-tawhid et l'islam aux gens. C'est un excellent conseiller. Il a parfaitement mis en garde contre le polythéisme, contre les innovations sous toutes ses formes, et il est connu pour son secours de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, son tafsir nous rappelle les imams de la communauté, parmi les imams de la sunna et du hadith, et c'est sur leur chemin qu'ils marchent. Troisièmement, Allah Azza wa Jal lui a permis une grande compréhension des versets du Coran, au point où par moment il arrive à citer plus d'une cinquantaine ou une centaine d'informations profitables tirées d'une histoire du Coran ou d'un verset. Quatrièmement, il a écrit d'une manière simple et accessible, rahimahullah. وكلام السلف كما قال أهل العلم قليل كثير الفائدة، وكلام الخلف كثير قليل الفائدة. Et la parole des anciens, les paroles des anciens étaient courtes, mais remplies de bénéfices, de choses bénéfiques. Alors que la parole des contemporains, leurs paroles sont longues, et il y a peu de choses profitables. Cinquièmement, dans ces paroles, on voit combien il voulait la guider de la communauté. C'est pour cela que ces paroles touchent et pénètrent les cœurs. Et ceci, les savants ont dit que c'est probablement dû à la grande sincérité qu'il avait lorsqu'il appelait Allah subhanahu wa ta'ala. Nahsabu kadhalik wallahu hasibu. Fata'alu ma'i linaqra'a tafsir al-shaykh rahimahullahu ta'ala. Donc commençons la lecture de l'explication du Coran de ce grand savant Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Car tout particulièrement à cette période de l'année, nous devons étudier le tafsir, lire le tafsir, comprendre le tafsir. Car nous sommes dans le mois de Ramadan, qui est le mois durant lequel le Coran a été révélé. Et le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ta prière ne sera pas authentique sans avoir lu du Coran. Tu dois donc chercher à comprendre ce que tu récites. Et tu ne dois pas lire le Coran comme tu lis un autre livre. Tu dois lire le Coran en te disant qu'Allah te parle dans ce livre. Il s'adresse à toi. Prends ses ordres pour toi, ses interdits pour toi, ses informations pour toi. C'est ainsi que tu tireras pleinement profit de la lecture du Coran. C'est pour cela qu'Allah nous dit dans le Coran, « فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا » Ne vont-ils pas méditer le Coran ou bien ont-ils des cadenas sur leur cœur? Dans un autre verset, « أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا » Ne vont-ils pas méditer le Coran? Et si cela avait été d'un autre que Allah, ils y auraient trouvé beaucoup de contradictions. C'est-à-dire que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Dans un autre verset, أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ N'ont-ils pas médité la parole? Dans un autre verset, كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ Un livre que nous t'avons révélé qui est béni, afin qu'il médite ces versets. Et que se rappellent les gens doués d'intelligence. Les savants ont dit de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala et de ses écrits dans le tafsir, wa kalamuhu 'ala al-Qur'an akthar min mujallad. Les paroles qu'on peut réunir de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala quant à l'explication du Qur'an sont plus qu'un tome. فيه أو أتى فيه بالعجائب أو بعجب العجب. Ils nous disent qu'il est venu dans son tafsir avec des choses sensationnelles. من تقرير التوحيد. Des choses les plus étonnantes en matière de science et de compréhension. L'affirmation du tawhid. ومعرفة الشرك. La connaissance du polythéisme. Et il nous a raconté les histoires. Et d'une seule histoire, comme la qissa de Moussa wal Khadir, fi surat al-Kahf, ata bima yaqrub min mi'ati mas'ala. Puis ce shir nous dit, un des contemporains du shir, ou bien l'historien, Uthman ibn Bishr nous dit, que dans la qissa de Moussa al Khadir, dans surat al-Kahf, l'auteur nous a cité plus de 100 fawa'id. Plus de 100 fawa'id de l'histoire de Moussa et Al-Khadir. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. I'lam arshadaka Allah li ta'ati wa ahataka bi hiyatihi wa tawallaka fi ad-dunya wal akhirah anna maqsuda as-salati wa ruhaha wa lubbaha huwa iqbal al-qalbi 'ala Allah ta'ala fiha. Fa idha sallaita bila qalb فهي كالجسد الذي لا روح فيه ويدل على هذا قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ففسر السهو بالسهو عن وقتها أي إضاعته والسهو عن ما يجب فيه والسهو عن حضور القلب. ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فوصفه بإضاعة الوقت بقوله يرقب الشمس، وبإضاعة الأركان بذكر النقر، وإضاعة حضور القلب بقوله لا يذكر الله فيها إلا قليلا. L'auteur, rahimahullah ta'ala, et en français je résumerai, il commence son livre en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala entre faveur afin qu'il nous guide dans son obéissance. Et il nous enseigne que le but de la prière et son âme, c'est le fait que le cœur se dirige pleinement vers Allah dans celle-ci, dans la prière. Et si tu fais la prière sans le cœur, si tu fais la prière sans avoir un cœur présent, alors cette prière sera à l'image d'un corps dépourvu d'âme. Et parmi ce qui nous montre cela, la parole d'Allah, dont la traduction est « Malheur à ceux qui prient, ceux qui sont distraits de leur prière. » Les savants ont expliqué ces versets en disant, c'est-à-dire qu'ils sont distraits de son temps. Ils prient la prière en la faisant sortir de son temps légiféré, ils la prient en retard. Ils l'ont également expliqué en disant qu'ils prient cette prière avec un cœur distrait. Ils ne sont pas concentrés dans leur prière. Et parmi ceux qui nous montrent cela, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Muslim, voici la prière de l'hypocrite, voici la prière de l'hypocrite, voici la prière de l'hypocrite. Il surveille le soleil jusqu'à ce qu'il se trouve entre les deux cornes du shaitan, puis il se dépêche de prier 4 unités de prière en invoquant Allah que très peu dans celle-ci. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait ressembler au poulet lorsqu'il picore. Donc il l'a décrit comme étant une personne qui fait sortir l'heure de son temps en disant qu'il surveille le soleil. Et il l'a décrit comme une personne qui délaisse ses piliers en disant qu'il se prosterne comme le coq picore. Il ne prie pas avec sérénité. Et il nous a décrit le fait qu'il ait un cœur distrait en nous disant qu'il n'invoque Allah dans celle-ci que très peu. فَإِذَا فَهِمْتَ ذَلِكَ فَفْهَمْ نَوْعًا وَاحِدًا مِنَ الصَّلَةِ. Si ceci est compris, alors je te demande de comprendre une seule chose dans ta prière. وَهُوَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ لَعَلَّ اللَّهِ يَجْعَلَ صَلَاتَكَ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَقْبُولَةِ الْمُضَاعَفَةِ الْمُكَفَّرَةِ لِلذُّنُوبِ. Je te demande juste de comprendre une chose, la lecture de la Fatiha, la lecture de Sourate Al-Fatiha, afin qu'Allah fasse de ta prière une prière acceptée, dont les récompenses seront décuplées, et à travers laquelle on te pardonnera tes péchés. وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يَفْتَحُ لَكَ الْبَابِ فِي فَهْمِ الْفَاتِحَةِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَحِيحٌ مُسْلِمٌ. Et parmi les meilleures choses qui t'aideront à comprendre Sourate Al-Fatiha, le hadith qui a été cité dans Sahih Muslim, c'est le hadith d'Abi Hurayra, « Qala sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, yaqulu Allah ta'ala, qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfayn, wa li abdi ma sa'al, fa idha qala al-abd alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamidani abdi, wa idha qala al-abd ar-Rahman ar-Rahim, qala Allah athna alayya abdi, وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل انتهى الحديث. Dans un magnifique hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah le Très-Haut a dit, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux. Lorsque mon serviteur dit, loué soit Allah, ou bien la louange revient de droit à Allah le Seigneur des mondes, Allah dit, mon serviteur a fait mes éloges, ou a proclamé ma louange. Lorsqu'il dit, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah dit, mon serviteur a répété mes éloges. Lorsqu'il dit, maître du jugement ou maître du jour des comptes, de la rétribution, Allah dit « Majjadani abdi ». Et lorsqu'il dit « C'est toi seul que nous adorons et auprès de toi seul que nous recherchons l'aide », Allah dit « Ceci est entre moi et mon serviteur. Et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Mon serviteur aura ce qu'il a demandé. » Car à la fin de l'Al-Fatiha, il y a une dua. Puis, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, non pas de ceux qui ont encouru la colère, ni des égarés. C'est alors qu'Allah dit « Ceci est pour mon serviteur, et j'accorderai à mon serviteur ce qu'il m'a demandé, et j'accorde à mon serviteur ce qu'il me demande. » فَإِذَا تَأَمَّلَ الْعَبْدُ هَذَا Si le serviteur médite cela, وَعَلِمَ أَنَّا نِسْفَانِ Et que le serviteur a compris que Al-Fatiha se divise en deux. Que Al-Fatiha se divise en deux. نِسْفٌ لِلَّهِ وَهُوَ أَوَّلُهَا إِلَى قَوْلِهِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ La première moitié c'est pour Allah. C'est du début d'Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jusqu'à إِيَّاكَ نَعْبُدُ C'est toi seul que nous adorons. Jusqu'à la moitié de la moitié de ce verset. وَنِسْفٌ لِلْعَبْدِ دُعَاءٌ يَدْعُو بِهِ لِنَفْسِهِ La deuxième moitié est pour toi le serviteur. C'est une invocation que tu demandes à Allah, une demande. وَتَأَمَّلْ أَنَّ الَّذِي عَلَّمَهُ هَذَا هُوَ اللَّهُ تَعَالَى Puis il nous dit une chose. Wallahi, méditez cette chose, ikhwani. حَفِظَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى Il nous dit وَتَأَمَّلْ أَنَّ الَّذِي عَلَّمَهُ هَذَا هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْعُو بِهِ وَأَنْ يُكَرِّرَهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ ضَامِنَ إِجَابَةَ هَذَا الدُّعَاءِ إِذَا دَعَاهُ بِإِخْلَاصٍ وَحُضُورِ قَلْبٍ تَبَيَّنَ لَهُ مَا أَضَاعَ أَكْثَرُ النَّاسِ Cette parole, retenez-la, notez-la et mémorisez-la. Comprenez-la. Il nous dit, rahimahullahu ta'ala, j'attire ton attention sur une chose, médite cette chose, observe ce qui va être dit ici. Concentre-toi sur cette chose. Celui qui t'a enseigné cela, c'est qui? C'est Allah Ta'ala. Qui est-ce qui t'a enseigné Al-Fatiha? C'est Allah. Qui est-ce qui t'a dit de réciter Al-Fatiha? C'est Allah. Qui est-ce qui t'a ordonné de l'invoquer selon ce qu'il y a dans le Fatiha? Qui est-ce qui t'a ordonné de répéter Al-Fatiha dans chaque unité de ta prière? C'est Allah. C'est lui qui par sa grâce et sa générosité aussi t'a garanti de répondre à ta demande et de t'accorder ce qu'il y a dans le Fatiha. La dua, Allah Azza wa Jal te garantit de te l'accorder, de t'accorder ta demande. Si tu l'invoques avec sincérité, avec un cœur présent, si tu as compris cela, il t'apparaîtra de la manière la plus claire ce qu'ont perdu la plupart des gens. La plupart des gens, ils entendent Al-Fatiha, ils lisent Al-Fatiha, mais ils n'ont pas compris ce trésor. Puis il cite un poème. وَهُنَا أَنَا أَذْكُرُ لَكَ بَعْضَ مَعَانِ هَذِي السُّورَةِ الْعَظِيمَةِ لَعَلَّكَ تُصَلِّ بِحُضُورِ الْقَلْبِ Et ici, je vais maintenant t'informer du sens de certaines choses dans le surat Al-Fatiha, afin que tu... ou bien en espérant qu'à travers cela, tu puisses prier avec un cœur présent. وَيَعْلَمْ قَلْبُكَ مَا نَتَقَ بِهِ لِسَانُكَ Afin que ton cœur sache ce que ta langue prononce. وَأَنَّ مَا نَتَقَ بِهِ لِسَانُ وَلَمْ يَعْتَقِدْ عَلَيْهِ الْقَلْبُ لَيْسَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ Et afin que tu saches que ce que la langue prononce, sans avoir cette conviction dans ton cœur, n'est pas une action pieuse chez Allah. كَمَا قَالَ تَعَالَى يَقُولُونَ بِأَلْسِنَةِ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ Dans Sourate Al-Fath, le verset 11, on trouve un verset dont la traduction est « Ils disent avec leur langue ce que ne contiennent pas leur cœur. » Et il nous dit, et je vais commencer avec le sens de « Al-Isti'ad ». « Al-Isti'ad » Mes chers frères, c'est A'udhu billahi minash shaytanir rajim. On appelle cette formulation al-isti'adha, la demande de protection. Thumma al-basmala. Puis je vous expliquerai al-basmala. Al-basmala, c'est Bismillahir Rahmanir Rahim. Ala tariq al-ikhtisar wal ijaz. Il nous dit tout cela de manière résumée. Fa ma'na a'udhu billahi minash shaytanir rajim, a'udhu billah wa a'tasimu billah wa astajiru bi janabihi min sharri hadha al-'adu. أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، وأنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل الخير من صلاة أو قراءة أو غير ذلك. وذلك أنه لا حيلة لك في دفع أو في الدفعة إلا بالاستعاذة بالله، لقوله تعالى: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. Donc il nous dit: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم signifie: Je cherche, je vais vers Allah afin qu'il me protège de tout mal et contre cet ennemi, c'est-à-dire le shaitan, afin qu'il ne me nuise pas ni dans ma religion ni dans les choses de mon bas monde, et afin qu'il ne réussisse pas à obstruer un chemin qui pourrait me mener vers un bien ou un mal auquel il pourrait m'inviter afin de ne pas tomber dans l'interdit, et afin de ne pas tomber dans un interdit. Car le shaitan, le moment où il est le plus déterminé, c'est au moment où tu t'apprêtes à faire une bonne action. Il fait tout pour t'éloigner du bien quand tu t'approches de la prière ou de la lecture ou des autres bonnes actions. Car, et sache que tu dois chercher le refuge auprès d'Allah, demander la protection auprès d'Allah, car tu ne pourras pas te préserver de cet ennemi si ce n'est en cherchant la protection auprès d'Allah. Car Allah nous dit dans le Coran, dans Sourate Al-A'ra, le verset 27, un verset dont la traduction est: il vous voit, lui et son groupe, d'où vous ne les voyez pas. فَإِذَا طَلَبْتَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يُعِيذَكَ مِنْهُ وَاعْتَصَمْتَ بِهِ كَانَ هَذَا سَبَبًا فِي حُضُورِ الْقَلْبِ فَاعْرِفْ مَعْنَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ وَلَا تَقُلْهَا بِاللِّسَانِ فَقَطْ كَمَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ النَّاسِ. Donc, si tu cherches la protection auprès d'Allah contre cet ennemi et tu te réfugies auprès de lui, cela sera une grande cause pour que tu puisses faire la prière et lire le Coran avec un cœur présent. Alors, aie la connaissance du sens de Sourate Al-Fatiha et ne prononce pas le Fatiha avec ta langue sans en avoir la compréhension. Il te dit: ne fais pas partie de ceux qui lisent Al-Fatiha avec la langue seulement, c'est-à-dire pas avec un cœur présent, pas en ayant compris le sens, contrairement à ce que font la plupart des gens. Ou bien ne fais pas cela à l'image de la plupart des gens. وَأَمَّا الْبَسْمَلَ فَمَعْنَاهَا أَدْخُلُ فِي هَذَا الْأَمْرُ مِنْ قِرَاءَةٍ أَوْ دُعَاءٍ أَوْ غِيْرِ ذَلِكَ بِسْمِ اللَّهِ لَا بِحَوْلِ وَلَا بِقُوَّةِ بَلْ أَفْعَلُ هَذَا الْأَمْرُ مُسْتَعِينًا بِاللَّهِ مُتَبَرِّكًا بِاسْمِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَذَا فِي كُلِّ أَمْرٍ تُسَمِّي فِي أَوَّلِهِ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ أَوْ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَإِذَا حَضَرْتَ فِي نَفْسِكَ فإذا أحضرت في نفسك أن دخولك في القراءة بالله مستعينا به متبرئا من الحول والقوة كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب وطرد الموانع من كل خير. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, quant au sens de bismillah ar-Rahman ar-Rahim, quand tu dis bismillah au nom d'Allah, c'est-à-dire que tu entres dans une action, tu t'apprêtes à lire, à faire le dua, à faire la prière et d'autres choses, bismillah, au nom d'Allah. C'est-à-dire pas en pensant que cela c'est par ta force, ta capacité. Tu dis: moi, je n'ai pas la capacité de passer d'un état à un autre, ni la force de le faire, si ce n'est par l'aide d'Allah, par la force d'Allah. Mais tout ce que je fais ici, c'est en cherchant l'aide auprès d'Allah. Et je me désavoue de toute force quant à la capacité d'adorer Allah Azza wa Jal sans son aide. Lorsque tu fais une action en disant bismillah au début, c'est-à-dire que tout ce que tu le fais en recherchant l'aide d'Allah, que ce soit pour les choses de la religion ou les choses de dunya, tu fais cela avec un cœur présent. Tu dis que tu entres dans la prière ou dans la lecture du Coran en recherchant l'aide d'Allah. Et tu dis: Ya Allah, je n'ai pas la force ni la capacité de faire un bien sans ton aide, Ya Allah. Et cela sera une des plus grandes causes pour être concentré dans ta prière, avoir un cœur présent et pour virer et repousser de toi tout ce qui peut te distraire dans la salat. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمان مشتقان من الرحمة أحدهما أبلغ من الآخر. Ensuite, الرحمن الرحيم dans le basmala sont deux noms d'Allah. Le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Ce sont deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui contiennent l'attribut de la rahma, de la miséricorde. وأما الفاتحة طيب مثل العلام والعليم قال ابن عباس هما اسمان رقيقان أحدهما رق من الآخر أي أكثر من الآخر رحمة. وأما الفاتحة فهي سبع آيات ثلاث ونصف لله وثلاث ونصف للعبد. Quant à الفاتحة il y a des choses que je saute dans la traduction. Quant à الفاتحة elle se compose de 7 versets. Ou bien elle a 7 versets. 3 versets et demi, c'est la première moitié. 3 versets et demi, c'est la deuxième moitié. La première moitié, c'est pour Allah. La deuxième moitié, pour le serviteur. فَأَوَّلُهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Le premier verset, c'est الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, Seigneur de l'univers. فاعلم ان الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختيار فاخرج بقولك الثناء باللسان الثناء بالفعل الذي يسمى لسان الحال فذلك من نوع الشكر وقوله على الجميل الاختيار اي الذي يفعل الانسان بارادته واما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا فالفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان إحسانا إلى المحامد أو لم يكن والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر لأنه يكون على المحاسن والإحسان فإن الله يحمد على ما له من الأسماء الحسنى وما خلقه في الآخرة والأولى ولهذا قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض إلى غير ذلك من الآيات وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام فهو أخص من الحمد من هذا الوجه لكنه يكون بالقلب واليد واللسان ولهذا قال تعالى اعملوا آل داود شكرا الآية والحمد إنما يكون بالقلب واللسان فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه والحمد أعم من جهة أسبابه لوتر رحمه الله تعالى إكسبليك الحمد لله رب العالمين الحمد c'est le fait de faire les éloges à celui qui a des attributs de perfection et qui a fait le bien volontairement. Quant à celui qui a des qualités, mais que ça ne vient pas de lui, on ne le loue pas pour cela. Par exemple, la beauté. Est-ce qu'on loue quelqu'un pour sa beauté? Non, c'est Allah qui lui a donné cette beauté. Ça n'est pas de son bon vouloir qu'il a eu cette qualité. Par contre, quelqu'un qui est courageux, ben on peut lui faire des éloges pour son courage. Quant à la chose pour laquelle il n'a pas fait d'effort, et ça n'est pas de son bon vouloir, il ne mérite pas pour cela des éloges. Allah subhanahu wa ta'ala, on le loue de par sa perfection. On le loue parce qu'il est parfait, dans ses noms, dans ses attributs. On le loue aussi pour tout le bien qu'il fait. On le loue pour ses qualités et on le loue aussi pour le bien et sa générosité. Alhamd, la louange, c'est donc le fait de faire les éloges d'Allah pour la perfection qu'il a et les bienfaits qu'il nous donne, et cela avec amour. S'il n'y a pas d'amour, ça n'est pas du hamd, ça n'est pas de la louange, ça s'appelle du madh. Ça s'appelle du madh. Hein, tu cites juste les qualités de la personne, mais peut-être que tu ne l'aimes pas. Peut-être que tu ne l'aimes pas. Donc pour que ce soit du hamd, il faut que ça renferme l'amour, il faut que tu aimes, il faut que tu considères celui duquel tu parles. Alhamd, c'est avec la langue. Tu loues Allah avec la langue. en faisant ses éloges. Quant à la reconnaissance, al-shukr, c'est avec la langue, avec le cœur et avec les membres. Avec le cœur, tu reconnais que ce bienfait vient d'Allah. Avec les membres, tu utilises ce bienfait dans la recherche de l'agrément d'Allah. Et avec la langue, tu proclames sa louange. Alors que l'hamd, c'est avec la langue. L'hamd, c'est avec la langue. Al-alif wal-lam fi qawli al-hamd. Dans le Fatiha, qui commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, le shir attire notre attention sur l'article L. Sur de Alhamdou. C'est comme en français le lalé. L'article défini. Donc, Alhamdou, L, dans Alhamdou, ça a pour sens cool, c'est-à-dire tout. Donc, Alhamdou, L, pourra être traduit par l'ensemble des louanges, des éloges. Alhamdou, l'istighraq, ay jami' anwa' alhamdillah, la li ghayri. C'est-à-dire que l'ensemble des louanges reviennent de droit à Allah et à nul autre que lui. Voici le sens de Alhamdu lillah. فأما الذي لا صنع للخلق فيه مثل الخلق والإنسان مثل خلق الإنسان وخلق السماوات أو مثل خلق الإنسان وخلق السمع والبصر والسماء والأرض والأرزاق وغير ذلك فواضح. Allah, on le loue pour plusieurs choses. Et à lui revient l'ensemble des louanges. Que ça soit des choses qu'il fait pour nous, ou que ce soit des choses qui ne sont pas en rapport direct avec nous. Puis le shir explique. Les choses dans lesquelles nous n'avons aucun ressort, comme la création des cieux, de la terre, notre création à nous, c'est Allah qui nous a tout donné. Sur ça, c'est évident qu'on loue Allah. Sur ça, c'est évident qu'on loue Allah. Donc, ce dans quoi le fils de Adam n'a pas d'agissement direct ou indirect, c'est évident que toutes les louanges reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui a créé les cieux, c'est Allah qui a créé la terre, c'est Allah qui nous donne la subsistance, c'est lui qui nous a créé. وَأَمَّا مَا يُحْمَدُ عَيْلِ الْمَخْلُوقِ مِثْلُ مَا يُثْنَى بِهِ عَلَى الصَّالِحِينَ وَالْأَنْبِيَا وَالْمُرْسَلِينَ. Quant à ce dans quoi on peut, ce par quoi on peut faire les éloges de certaines créatures, comme ceux qui ont fait du bien parmi les prophètes, les personnes pieuses, les envoyés, وَعَلَى مَنْ فَعَلَ مَعْرُوفًا خُصُوصًا إِنْ أَزْدَاهُ إِلَيْكَ. Et tous ceux que tu remercies et dont tu fais les éloges parce qu'ils t'ont fait du bien et ont été bienfaisants envers toi. فَهَذَا كُلُّ لِلَّهِ أَيْضًا. Le shir nous donne une leçon de tawhid. Tout ce que les créatures t'ont donné, toutes les personnes qui t'ont fait du bien, ben même dans tout cela, la louange revient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui mérite la louange dans tout cela. Puis il nous explique cela en disant بمعنى أنه خلق ذلك الفاعل. Car c'est Allah qui a créé celui qui t'a fait du bien. وأعطاه ما فعل بذلك به ذلك. Et c'est lui qui lui a donné ce par quoi il t'a fait du bien. وحبب إليه ما قواه عليه. Et c'est Allah qui lui a fait aimer le bien qu'il t'a fait. C'est Allah qui a mis dans son cœur l'amour du bien et de faire le bien. وحبب إليه وقواه عليه. C'est Allah qui lui a donné la force de faire ce bien là. وغير ذلك من أفضال الله الذي لم يختل بعضها لم. Et c'est aussi, et aussi tout le bien revient à Allah, et c'est, ça n'est que des grâces de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. الذي لو يختل بعضها لم يحمد. لم يحمد ذلك المحمود فصار الحمد لله كله بهذا الاعتبار. Il nous dit tout ce que le serviteur a fait, si Allah ne lui avait pas permis de faire cela, ben il n'aurait jamais pu te faire un bien. Donc, au final, toutes les louanges et les éloges reviennent de droit à qui ? À Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma qawluhu rabbil alamin. Puis il nous explique rabbil alamin. C'est-à-dire le Seigneur, ou bien Allah, rabbil alamin. Allah, le Seigneur des univers. فالله عالم عن ربنا تبارك وتعالى ومعناه الإله أي المعبود لقوله وهو الله في السماء وهو الله في السماوات وفي الأرض أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا الآيتين وأما الرب فمعناه المالك المتصرف وأما العالمين فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى فكل ما سواه من ملك من ملك ونبي وإنس وجن أو إنسي وجني وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه فقير محتاج كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في ذلك لوتر رحمه الله تعالى nous dit Allah c'est un nom d'Allah, c'est un des noms propres d'Allah, et son sens, le sens du mot Allah, ça veut dire la divinité, celui qui est adoré, celui qui mérite d'être adoré. Le sens de Allah, c'est la divinité qui est digne d'être adorée. Comme dans le verset de Sourate Al-An'am, non, de Sourate Maryam, le verset 93, ainsi que la suite, tout ce qu'il y a, avant ça, Al-An'am, verset 3, et c'est Allah dans les cieux et sur terre. Que veut dire c'est Allah dans les cieux et sur terre? Quel est le sens de Allah? Adam, indak. Aïd. Jazakallahu khayran. Le sens du mot Allah, c'est la divinité, la seule divinité qui mérite d'être adorée. Donc que veut dire c'est Allah dans les cieux et sur la terre? جزاك الله خيرا. Tu viens me voir après le dars, je vais t'offrir quelque chose. Donc, le sens du verset est, c'est Allah, la seule divinité qui mérite d'être adorée, que ce soit dans les cieux ou sur la terre, c'est le seul qui mérite d'être adoré. Non pas que Allah est dans les cieux et sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, à l'arche istawa. Allah, où est-il? Allah est élevé au-dessus de son trône, au-dessus du arche. أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء إلى يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أين الله قالت في السماء. Donc nombreuses, très nombreuses sont les preuves qui nous montrent qu'Allah est élevé au-dessus des cieux, au-dessus du arche. Naam. Donc le sens du verset est, c'est Allah, la seule divinité qui mérite d'être adorée, que ce soit dans les cieux ou sur la terre. Tout le monde doit adorer Allah d'un culte sincère. Dans l'autre verset, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre viennent en tant que serviteurs devant le très miséricordieux ou le miséricordieux, en tant que serviteurs. Donc nous, nous sommes les serviteurs d'Allah, les esclaves d'Allah. C'est le seul qui mérite d'être adoré. Quant au sens de Ar-Rabb, le Seigneur, c'est-à-dire le maître, celui qui dirige et décide de tout. Amma al-alami, quant au sens des univers, c'est un mot au singulier mais qui a une portée au pluriel. D'accord? On appelle ça ismu jam'a. Et ça fait référence à tout autre que Allah. Al-alami, c'est le pluriel du mot alam. Ça nous indique quoi? Tout ce qui est autre qu'Allah. Par exemple, il y a l'univers des poissons, l'univers des hommes, l'univers des djinns, l'univers des oiseaux, et ainsi de suite. Ben tout ça, ça a pour nom Al-Alamin. Al-Alamin. Donc c'est tout autre que Allah. Donc tout autre que Allah est esclave d'Allah. asservi à Allah, rabaissé et avili devant Allah, sous le contrôle absolu et total d'Allah, que ce soit un ange, un prophète, un humain, un djinn ou autre, ils ont tous pour Seigneur Allah. Ils sont tous pauvres et dans le besoin d'Allah. Tous se dirigent vers Allah pour leurs besoins. Le seul, l'unique, celui qui n'a pas d'associé dans tout cela. Fahuwa al-ghani as-samad, c'est lui le riche. As-samad, ça veut dire celui vers lequel toutes les créatures se dirigent pour leurs besoins. Maliki yawmiddin. Puis il nous explique le sens de Maliki yawmiddin. Maître du jour de la rétribution. Maître du jour de la rétribution. Wa fi qira'atin ukhra Maliki yawmiddin. Et dans une autre lecture, le roi du jour de la rétribution, sans l'allongement. La première lecture, Maliki yawmiddin. La deuxième lecture, Maliki yawmiddin. فذكر في أول هذه السورة التي هي أول المصحف الألوهية والربوبية والملك كما ذكره في آخر سورة في المصحف قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس فهذه ثلاثة أصناف لربنا أوصاف لربنا تبارك وتعالى ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول القرآن ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخر ما يطرق سمعك من القرآن فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع ويبذل جهده في البحث عنه ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول القرآن ثم في آخره إلا ليعلم إلا لما يعلم من شدة حاجة العبد لمعرفتها ومعرفة الفرق بين هذه الصفات فكل صفة لا معنى غير معنى الصفة الأخرى كما يقال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين وسيد ولد آدم فكل وصف له معنى غير ذلك الوصف الآخر donc مالك يوم الدين et dans une autre lecture مالك يوم الدين ce que je veux vous citer ici notez-le et retenez-le une des plus grandes faïda na'am une des plus grandes sciences et chose tirée parmi les trésors de Al-Fatiha et de la méditation du Coran du Shir rahimahullah ta'ala écoutez dans le début du Coran donc de quelle sourate Al-Fatiha il nous a été cité Al-Uluhiyya la divinité Al-Rububiyya, la seigneurie. Wal-Mulk, et le fait qu'Allah soit le maître. La royauté ou bien, comment est-ce qu'on va dire? Naam, la royauté. Le fait qu'Allah soit le maître. Naam. Donc au début du Coran, donc dans le Fatiha, Allah a uni ces trois choses Al-Uluhiyya, Al-Rububiyya et Al-Mulk d'accord le fait qu'il soit le seul à mériter l'adoration le seul qu'il soit l'unique dans ses actes envers ses créatures et le fait qu'il soit le maître absolu ces trois choses ont été réunies dans quelle sourate Al-Fatiha écoutez ce que dit l'auteur ensuite Subhanallah Rahimahullah de la même façon à la fin du Coran la dernière page du Coran ces trois choses ont été citées ensemble. Sahih ? Ces trois choses-là ont été citées ensemble dans Surat An-Nas. Donc dans la première page du Coran et dans la dernière page du Coran, Allah a uni entre ces trois caractéristiques. Al-Uluhiyya, Al-Rububiyya et Al-Mulk. Qul a'udhu bi Rabbin Nas. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Malik innas, le maître des hommes. Ilah innas, la divinité des hommes. Ces trois caractéristiques, on les retrouve où? Dans le Fatiha. Dans Al-Fatiha. Puis l'auteur nous dit, voici trois caractéristiques, voici trois attributs qui appartiennent à notre Seigneur, le Très-Haut. Il les a cités, les trois unis au début du Coran et les trois unis à la fin du Coran. La première chose qui va frapper à ton oreille, c'est ces trois caractéristiques au début du Coran. Et la fin, ou plutôt il nous dit, il a commencé par cela dans le Coran, et à la fin du Coran, la dernière chose qui va frapper à ton oreille, pareillement, ces trois caractéristiques. Il convient donc vraiment à celui qui veut le bien pour sa personne d'accorder la plus grande importance à l'étude de ces trois choses-là. Car, et aussi il doit mettre tout en œuvre pour comprendre le sens. Car le savant, le parfaitement connaisseur, n'a pas uni entre ces trois caractéristiques au début du Coran et à la fin du Coran, si ce n'est car il y a un grand besoin pour le serviteur de méditer cela, de comprendre cela. Donc tu es, toi, le serviteur, dans le plus grand besoin d'avoir cette connaissance. Et quelle est la différence entre ces trois choses-là? La divinité, la seigneurie et la maîtrise. Car chacun ou chacune de ces caractéristiques a un sens différent de l'autre. Comme tu dis par exemple, Mohammed est le messager d'Allah, le sceau des prophètes, le meilleur des fils de Adam. Donc, dans ces trois paroles, on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais chacun des attributs est différent de l'autre. فإذا عرفت أن معنى الإله هو أن معنى الله فإذا عرفت أن معنى الله هو الإله عرفت أن الإله هو المعبود ثم دعوت الله أو ذبحت له أو نذرت له فقد عرفت أنه الله فإذا دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا أو ذبحت له أو نذرت له فقد زعمت أنه هو الله. Puis il nous dit, si tu as compris le sens du mot Allah et que ça veut dire que c'est la divinité qui mérite l'adoration, tu auras compris que Allah c'est le seul que tu dois adorer. Et lorsque tu vas invoquer Allah ou sacrifier une bête pour lui ou faire un vœu pour lui, là véritablement on pourra dire que tu as su que c'était Allah. Tu l'as adoré à travers ce nom Allah. Parce que Allah veut dire celui qui mérite d'être adoré. Par contre, si tu invoque ou adore une créature, que ce soit une bonne créature, comme les prophètes, les anges, les personnes pieuses, ou une mauvaise créature, comme les tawarit, que tu égorges pour eux, que tu fasses un vœu pour eux, bah tu auras prétendu que ces créatures, on le rend Allah ou bien que ce sont Allah. Tu auras prétendu que ce sont Allah, parce que Allah veut dire celui qui mérite d'être adoré. Si tu adores autre qu'Allah, tu auras prétendu que cet autre est Allah. فَمَنْ عَرَفَ أَنَّهُ قَدْ جَعَلَ شَمْسًا أَوْ تَاجًا هُوَ اللَّهُ. Celui qui aura adoré شَمْسًا et تَاجًا, ce sont des gens à l'époque qui étaient pris sur lesquels on exagérait. Na'am. Et on avait comme croyance que ce sont des awliya, qu'ils ont des propriétés d'Allah et ainsi de suite. Donc celui qui les adore, ils auront prétendu que ce sont Allah. Et ils auront fait, et aussi si tu as compris tout ça, tu auras compris ce dans quoi sont tombés Banu Israël quand ils ont adoré le veau. Et tu auras compris la gravité dans laquelle ils sont tombés lorsqu'ils ont dit, donc dans Suratul A'raf, verset 149, où on nous parle de l'histoire de Moussa et de son peuple. ولما سقط في أيديهم وروا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. Si, يعني lorsqu'ils sont égarés, ils ont invoqué Allah en ces dires. Si notre Seigneur ne nous fait pas miséricorde et ne nous pardonne pas, nous serons certes du nombre des égarés, plutôt des perdants. وأما الرب فمعناه المالك المتصرف. Le sens du mot الرب, c'est le maître et le seul gérant فالله تعالى مالك مالك كل شيء c'est le maître de toutes choses وهو المتصرف فيه et c'est celui qui décide pour chaque chose c'est le seul qui décide de tout dans son royaume وهذا حق et ceci est une vérité mais est-ce que ça suffit d'avoir comme conviction qu'Allah est le maître des mondes ça suffit pas ça fait pas de toi un musulman tu dois aussi reconnaître que c'est le seul qui mérite d'être adoré si tu reconnais qu'Allah est le seul maître mais que tu adores autre qu'Allah alors tu as été semblable à qui Kuffar Quraysh Kuffar Quraysh ont reconnu qu'Allah était le seul maître mais au moment de l'adoration ils partageaient l'adoration entre Allah et Allat Al-Uzza wa Manat Al-Thalithat Al-Ukhra wa Hubal wa wa Naam donc ça ne suffit pas de reconnaître l'unicité d'Allah dans la seigneurie ça ne suffit pas de dire qu'Allah est le seul créateur le seul propriétaire le seul gérant non cela doit t'amener au deuxième type de tawhid qui est tawhid Al-Uluhiyya tawhid Al-Ibada unifier Allah d'un culte sincère Donc, du fait qu'Allah est le seul maître des mondes, du fait que c'est Rabbul Alamin, tu dois haqqaq iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Comme Allah est le seul maître des mondes, tu dois l'adorer lui seul d'un culte sincère. C'est pour cela que l'auteur nous dit wa hadha haqqun walakin aqarra bi ibad 'ubad al-asnam. Les adorateurs des idoles l'ont reconnu ça. Alladhina qatalahum rasulullah. Pourtant le messager d'Allah les a combattus sallallahu alayhi wa sallam, comme dhakara Allah 'anhum fil Qur'an fi ghayri mawdi'. Comme Allah les a Comme Allah a cité cela dans le Coran dans plusieurs endroits. Comme qu'à قوله تعالى قل ما يرزقكم من السماء والارض الى قوله فقل افلا تتقون. Prenez pour exemple le verset 31 de sourate Yunus. قل ما يرزقكم من السماء والارض اما يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. Dit qui est-ce qui vous donne la subsistance des cieux et de la terre? Qui est-ce qui possède lui la vue? Qui est-ce qui fait sortir le mort ou le vivant du mort, le mort du vivant? Qui est-ce qui dirige toutes choses? Ils diront c'est Allah. C'est-à-dire Kuffar Quraysh. Les associateurs diront c'est Allah. Dis-leur. Donc ne craignez-vous pas. C'est-à-dire ne craignez-vous pas la finalité de votre shirk dans l'uluhiyya alors que vous avez reconnu l'unicité d'Allah dans l'uluhiyya. Et pour plus de détails, revenez à l'explication de Al-Qawa'id Al-Arba'a, le livre de Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, ta'ala. فَمَنْ دَعَ اللَّهَ فِي تَفْرِيجِ كَرْبِهِ وَقَضَاءِ حَاجَتِهِ ثُمَّ دَعَ مَخْلُوقًا فِي ذَلِكَ خُصُوصًا اقْتَرَنَ بِدُعَائِهِ نسبة نفسه إلى عبوديته مثل قوله في دعائه فلان عبدك أو قول عبد علي أو عبد النبي أو الزبير فقد أقر له بالربوبية وفي دعائه عليا أو الزبير بدعاء الله تبارك وتعالى وإقراره له بالعبودية Donc il nous dit si tu invoques Allah afin Celui qui invoque Allah afin qu'il le délivre d'une affliction, afin qu'il lui accorde ce dont il a besoin, puis par la suite invoque une créature, particulièrement s'il se dit serviteur d'un tel, comme celui qui s'est fait appeler Abdun Nabi, serviteur du prophète, esclave du prophète, Abdul Zubayr, Abdul Ali, Naam, je trouve beaucoup ça chez les Shia, hein les chiites, les égarés, na'am, ils ont pour nom souvent Abdul Nabi. Hada haram, hada shirk. Anta Abdullah, anta Abdul Lillah. Toi tu es l'esclave d'Allah, pas l'esclave d'une créature. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé que pour combattre cela. Puis tu trouves chez Shia et certains ignorants qu'ils donnent comme nom à leurs enfants, après qu'Allah leur ait fait don d'un enfant, Abdul Nabi, a'ouzou billah. Ou bien Abdou Ali, ils se font appeler Abdou Ali, l'esclave de Ali. Abd, c'est celui, c'est l'esclave, celui qui adore autrui. Naam, kayf hada. Si tu fais cela, alors tu auras affirmé avec Allah un autre Seigneur. Et celui qui se fait appeler Abdul Nabi et qui n'a pas eu le choix dans cela, c'est-à-dire que ses parents qui lui ont donné ce nom-là, il ne doit pas se faire appeler Abdul Nabi. Il doit dire aux gens à partir de maintenant, ne m'appelez plus comme cela. S'il peut changer cela dans ses papiers, les savants ont dit qu'il doit changer cela même dans ses papiers. Et nous, on n'a pas le droit de l'appeler Abdul Nabi. Il doit prendre un autre nom. Car lorsque Sahaba venait avec un mauvais nom, le prophète sallallahu alayhi wa sallam changeait leur nom. Naam, changeait leur nom. Donc tu n'as pas le droit d'invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal afin de lui demander ce que seul Allah Azza wa Jal peut t'accorder. Et ne t'appelle pas abd de un tel, esclave de un tel. Sinon tu auras affirmé qu'il y a un maître avec Allah Azza wa Jal. Parce qu'Allah c'est lui le maître, le seul maître des mondes. Donc de nous tous. Et celui qui fait ça, qui fait du shirk, il n'aura pas pleinement reconnu qu'Allah est le seul maître. Toute personne qui a donné un égal à Allah Azza wa Jalla en adoration, c'est parce qu'il a eu une imperfection dans la concrétisation de la rububiyya, de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَرَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا نَصَحَ نَفْسَهُ وَتَفَطَّنَ لِهَذِي الْمُهِمَّةِ. Puis il invoque Allah en faveur de tout serviteur qui aura voulu le bien pour lui. Ça veut dire qu'il fait des efforts pour comprendre cela. Et aura compris l'importance de ce qu'on lui cite ici. وَسَأَلَ عَنْ كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ. Et aura questionné les gens de science. Que disent les gens de science sur ces versets? وَهُمْ أَهْلُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Et ce sont les gens du chemin droit. وَهُمْ فَسَّرُوا السُّورَةَ بِهَذِي أَمْ لَا. Et est-ce qu'ils ont expliqué le Coran en ces termes ou non? وَأَمَّا مَالِكَ أَمَّا الْمَالِكَ فَيَأْتِ الْكَلَامُ عَلَيْهِ. Quant au sens du mot Al-Malik, le roi ou le maître, l'explication viendra plus loin dans le livre. وذلك إن شاء الله وذلك أن قوله مالك يوم الدين. Le sens du mot مالك يوم الدين وفي قراءة أخرى مالك يوم الدين فمعناه عند جميع المفسرين كله ما فسره الله به قوله وما أد في قوله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Le sens de Malik Yawmiddin, tous les exégètes du Coran sont d'accord que c'est le sens qui est venu dans l'autre verset de Sourate Al-Infitar, verset 17, 18, 19, et que qui te dira ce qu'est le jour, qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution, et puis qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution, le jour où aucune âme ne possédera quelque chose, et ce jour-là, l'ordre tout entier appartiendra à Allah. فمن عرف تفسير هذه الآية عرف تخصيص المال الملك بذلك اليوم. Donc celui qui aura compris le sens de ce verset Malik Yawm al-Din aura compris qu'Allah sera le seul maître et personne s'associera à lui dans cette qualité, dans cet attribut ce jour-là. Afwan, de quel jour il s'agit? De quel jour il s'agit? Yawm al-Din, c'est quel jour? Ça fait référence à quel jour? Yawm al-Qiyam, le jour de la résurrection, le jour des comptes. Il a beaucoup de noms. Parmi ces noms, Yawm al-Din. Hein? Al-Din, ça veut dire dans ce verset la rétribution, les comptes. Parce que le mot Din vient dans le Coran et dans la langue arabe, il a plusieurs sens. Il a plusieurs sens. Ça peut vouloir dire la religion, ça peut vouloir dire les comptes. D'accord? Puis, il attire notre attention sur un fait. C'est que Allah, c'est le maître. On nous enseigne dans ce verset que c'est le maître du jour de la rétribution. Mais Allah n'est-il pas le maître de tous les jours et de la dunya, et de chaque jour de la dunya? Donc quelle est la sagesse d'avoir spécifié cette maîtrise et cette royauté au Mahza pour le jour de la rétribution, le jour de la résurrection? مع أنه سبحانه مالك لكل شيء ذلك اليوم وغيره. Alors qu'Allah est le maître de toutes choses, de ce jour et des autres jours. عرف أن تخصيص لهذه أن التخصيص لهذه المسألة الكبيرة العظيمة عرف أن تخصيص أن التخصيص لهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي سبب معرفتها ده أكيد ما كمو لحظة عرف أن تخصيص أن التخصيص لهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي سبب معرفتها دخل الجنة من من دخلها وسبب الجهل بها دخل النار من دخلها. Il nous dit de comprendre la subtilité, c'est-à-dire qu'Allah est le maître de toutes choses, et le maître de ce jour-là et des autres jours. Cette connaissance particulière est très importante, et de cette connaissance, ou bien suite à cette connaissance, pour ceux qui l'ont connue, ça leur a causé l'entrée au paradis. Et ceux qui l'ont ignorée, ça leur causera l'entrée en enfer. فَيَالَهَا مِنْ مَسْأَلَهَا. Ô combien est importante cette mas'ala. لَوْ رَحِلَ الرَّجُلْ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً لَمْ يُوَفَّهَا حَقَّهَا. Il nous dit, cette question est tellement importante que si la personne aurait voyagé pendant 20 ans pour prendre cette science, il ne lui aurait pas accordé pleinement son droit. Un voyage de 20 ans pour faire talb ilm, pour avoir cette science, ben 20 ans, on ne dirait pas que c'est trop. 20 ans, on n'aurait pas dit que c'est trop. Tellement que cette chose qui va être citée ici est importante. فَأَيْنَ هَذَا الْمَعْنَى وَالْإِيمَانِ بِمَا صَرَّحَ بِهِ الْقُرْآنِ مَا قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم يا فاطمة يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا من قول صاحب البردة. Il nous dit cette science, le fait de savoir qu'Allah c'est le seul maître, où veut en venir le shirk? Il veut en venir au fait que si Allah c'est le seul maître, c'est le seul qui mérite d'être adoré. Donc le seul vers lequel on doit se diriger. C'est ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa parole, dans un hadith, où il nous dit, c'est un hadith qui a rapporté l'imam al-Nasa'i, il me semble qu'il est dans Sahih al-Bukhari également, on l'avait vu dans ce kitab al-Tawhid. Ô Fatima, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux gens de sa famille, il dit ô Fatima, la fille de Mohammed, je ne pourrai rien pour toi auprès d'Allah. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne le tawhid. C'est la meilleure des créatures, il ne peut rien pour qui? Pour la mère des femmes du paradis. Pour sa propre fille, Fatima, radiallahu anha. Dans le même hadith, il a appelé son oncle Al-Abbas, il lui a dit je ne peux rien pour toi. Il a appelé sa tante, sa fille, il lui a dit je ne peux rien pour toi. Demandez-moi ce que vous voulez de mes biens, mais je ne pourrai rien faire pour vous, cher Allah. Ça, c'est le tawhid. Ça, c'est ce qu'on nous apprend dans le Coran. Puis l'auteur nous dit, où sont les gens du soufisme et ceux qui s'adonnent à la poésie de Sahib al-Burda, dans laquelle il y a du shirk? Où sont ces gens-là devant le tawhid et devant la lecture du Coran? Au point où ces gens-là préfèrent même lire ces paroles dans lesquelles il y a du shirk, ces poèmes dans lesquels il y a du shirk, plutôt que de lire le Coran. Dans ses paroles, il dit en gros, qui est-ce qui pourrait me sauver si toi tu m'abandonnes au message d'Allah? A'oudhu billah. Ça c'est le shirk pur. Ça c'est le shirk pur. Naam. Qui pourrait me sauver au messager d'Allah si toi tu m'abandonnes? Et si tu ne me prends pas par la main le jour de la résurrection, alors c'est sûr que je vais périr. Allahu Akbar. Pour qui est-ce qu'on a le droit de dire ça? Wallah, pour personne. Le seul, s'il te donne, tu auras. S'il te fait entrer au paradis, tu y rentreras. S'il te pardonne, tu seras pardonné. S'il te sauve, tu seras sauvé. C'est Allah. Personne parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal peut te donner ces choses-là. Il te dit, médite ces paroles-là. Médite ces paroles-là. Parmi ces gens, certaines personnes prétendent être des ulama. ils parlent ainsi, ils prétendent qu'ils ont du ilm. Peut-être qu'ils mémorisent le Coran par cœur, mais dans l'aqidah, ils sont à la batil. Mais ils sont dans le faux, dans l'aqidah, dans leur manhaj. L'auteur nous dit carrément وَاخْتَارُوا تِلَاوَةَ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ. Ils préfèrent même lire cela sur la lecture que de lire le Coran. وهل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الابيات والتصديق بقولي يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit, est-ce que ces paroles là, celui qui récite ces paroles et qui aime ces paroles, dans son cœur peut s'unir le fait d'avoir comme croyance le Coran, c'est-à-dire qu'Allah sera le seul maître yawm al-qiyamah, et le fait d'avoir dans son cœur ces paroles là où il y a du shirk, ça ne peut pas s'unir. Si ce n'est comme peut s'unir le fait de dire que Moussa est véridique, que Pharaon est véridique, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est véridique et que Abu Jahl est véridique. C'est-à-dire ce sont deux opposés, ils ne peuvent pas s'unir. Mais de la même façon, al-shirk et al-tawhid, ça ne peut pas s'unir. فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة البردة c'est le nom de cette poésie. ومن فتن بها عرف غربة الإسلام. L'auteur رحمه الله تعالى nous dit celui qui a bien compris cette masala. نعم كالله c'est le seul maître يوم القيامة, il n'y a que lui qui pourra faire quelque chose pour toi. Tu ne posséderas rien ni pour toi ni pour les autres. Donc c'est le seul qui mérite d'être adoré. Celui qui a compris cela. Celui qui a compris cela. نعم. Puis qui entend les paroles qu'on trouve dans le burda, les paroles de shirk et d'égarement, aura vraiment compris l'étrangeté de l'islam à notre époque. Il parle de quelle époque? Il est né en quelle année, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala? Hein? 1115. Il est décédé en quelle année? 1206. Et on est en quelle année? 1436, si je ne me trompe pas, ça? 1436. Ça fait des siècles. Et il parle d'une époque où le tawhid et sunnah, c'est étrange. C'est-à-dire celui qui dit qu'il faut adorer que Allah, celui qui fait du shirk, c'est un mushrik. Éloignez-vous de l'adoration des tombes, éloignez-vous d'aller chez les marabouts, les saints, ainsi de suite. Le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah, parce que c'est le seul maître des mondes. Et celui qui adore un autre qu'Allah, c'est un mushrik. Et s'il meurt sur cela, il va finir. Ils disent, qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est étrange. Ou bien elle dit, celui qui innove dans la région d'Allah Azza wa Jal, c'est un mubtadi'. Ne fréquentez pas les innovateurs, ne restez pas avec les innovateurs. Les innovateurs sont pires que les foussaqs. Celui qui innove dans la région d'Allah Azza wa Jal aura manqué de respect au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Al-Khawarij mubtadi'a. Al-Asha'ira mubtadi'a. Al-Mu'tazila mubtadi'a. Al-Ikhwanul muslimin mubtadi'a. Wa hakadha. Celui qui entend ce discours, il dit Subhanallah. Subhanallah, il parle sur les gens, wakada wakada. C'est étrange de mettre en garde contre le bid'a, ayahlul bid'a, et de mettre en garde contre les assises de ces gens-là, et d'appeler à la sunna pure. Et celui qui fait une innovation, on le conseille, on lui dit ceci, ne l'a pas fait. Cette chose, le prophète sallam ne l'a pas faite. Nous, on ne doit pas la faire parce que les sahaba ne l'ont pas fait. Et la religion, elle est complète, elle est parfaite. Tu dois suivre ahl sunna wa sallam, et tu dois t'éloigner des gens de la bid'a et de la division. Ils entendent ce discours, ils disent, c'est étrange. À quoi est-ce qu'il nous appelle? Ashir nous dit, celui qui comprend cela, il se rendra compte qu'en fait, il fait partie de la minorité. Si tu as compris cela, sunna et tawhid, tu fais partie des étrangers. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sache qu'il a fait les éloges des étrangers. Il t'a appelé à endurer et à patienter. Et il a dit, Bada'a l'islam ghariba, wa sayaoud ghariba, fatouba lil ghuraba. L'islam a commencé de manière étrange. Le prophète sallam était seul avec Abu Bakr, Omar, avec Abu Bakr, Naam, avec Bilal, avec Khadij. Il est une minorité. Puis l'islam s'est propagé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'islam redeviendra étrange. Le tawhid et sunnah, ça deviendra étrange. Puis il nous dit, bonne nouvelle à l'étranger. Bonne nouvelle à l'étranger. Celui qui restait sur le tawhid, celui qui restait sur la sunna, celui qui conseille la masse des gens qui sont dans l'égarement ou dans l'ignorance. وعرف أن العداوة واستحلال دماءنا وأموالنا ونساءنا ليس عند التكفير والقتال بل هم الذين بدأون بالتكفير والقتال. Il nous dit, et aussi ils ont compris pourquoi ils nous détestent. Ils ont rendu halal notre sang, notre argent et nos épouses. Comme Al-Khawarij. Al-Khawarij, ils rendent mécréants les musulmans. D'accord ? Puis ils disent, vu que ce sont des mécréants, leur argent c'est le butin, leurs épouses c'est le butin. Donc on a le droit de faire zina avec Al-Kafirat, wal-iyadu billah, et on a le droit de piller les richesses des kuffars. Na'am ? Hakada. Ces gens-là, les gens du shirk et le quburiyyun, ceux qui adorent les tombeaux, qui adorent les saints, quand il y a quelqu'un qui appelle au tawhid, ils disent c'est un kafir. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas les saints, ils ne respectent pas les awliya. Parce que pour eux, le respect des awliya, ça veut dire adorer les saints et adorer les morts. Alors que pour nous, le respect des awliya, des gens pieux, c'est les prendre pour exemple, faire dua pour eux. Mais on ne les adore pas en dehors d'Allah. On n'adore personne en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La parole du tawhid n'est-elle pas là? Il est Allah. Nulle divinité digne d'être adorée excepté Allah. Donc ce sont eux qui nous ont rendu koufar. Ce sont eux qui ont rendu halal notre argent et nos richesses et nos épouses. Et ils ont commencé à nous combattre. Où sont ces gens-là d'eux? La tad'u ma'allahi ahada. Qu'ont-ils compris de la parole d'Allah? N'invoquer personne en dehors d'Allah. Dans surat al-jin, wa anna al-masajid lillahi fa la tad'u ma'allahi ahada. Les demeures, ou les mosquées sont les demeures d'Allah. Ou bien les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Surat al-Jin, verset 18. Ou bien la parole, Oulaïka alladhina du'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab. Dans Surat al-Isra, le verset 57. Ceux-là même que vous invoquez cherchent eux-mêmes à qui le moyen le plus de se rapprocher. Na'am. Trouver un moyen de se rapprocher d'Allah. C'est-à-dire, vous adorez des saints, vous adorez les prophètes, vous adorez les anges, alors qu'eux-mêmes sont préoccupés par l'adoration d'Allah, ils se concurrencent dans son adoration. فَهَذَا بَعْضُ الْمَعَانِي فِي قَوْلِي مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. Tout cela est une partie des sens qu'on peut retrouver dans la parole d'Allah, maître du jour de la rétribution. بِجْمَعِ الْمُفَسِّرِينَ كُلِّهِمْ. Il y a le consensus des exégètes du Coran sur cela. وَقَدْ فَسَّرَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي سُورَةِ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ. Et Allah a expliqué le sens de maître du jour de la rétribution dans l'autre sourate qui se met dans suratu al-infitar. Dans suratu idha sama'u infatarat. Comme cela a été cité. وَعَلَمْ أَرْشَدَكَ اللَّهَ أَنَّ الْحَقَّ لَا يَتَبَيَّنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ كَمَا قِيلْ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ. Puis l'auteur nous dit, après tout cela, sache qu'Allah t'oriente sur la vérité. Ou bien sache qu'Allah t'accorde la droiture. Que la vérité ne peut devenir claire si ce n'est en connaissant le faux. Si tu veux avoir la vérité, être sur la vérité et préserver cette vérité, ben il faut aussi que tu connaisses le mal et le faux. Comme il a été dit, en connaissant les contraires, tu vas connaître l'autre chose. Tu veux connaître le bien, étudie le mal. Tu veux connaître le bon, étudie le mauvais. فَتَأَمَّلْ مَا ذَكَرْتُ لَكَ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةً وَيَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ وَشَهْرًا بَعْدَ شَهْرٍ وَسَنَةً بَعْدَ سَنَةٍ لَعَلَّكَ أَنْ تَعْرِفَ مِلَّةَ أَبِيكَ إِبْرَاهِيمَ ودين نبيك فتحشر معهم فتحشر أو فتحشر معها أو معهما. Puis il nous appelle à méditer. Il nous dit méditez cela heure après heure, jour après jour, mois après mois, année après année. Méditez sur ce que je vous ai dit, afin de connaître la voie de votre père Ibrahim et la religion de votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'Allah vous ressuscite avec eux. Voilà tout ça d'anil haoud yawm ad-din, et afin de ne pas être repoussé. et afin de ne pas être repoussé du bassin le jour de la résurrection. Kama yusaddu anhu man sadda an tariqihima, comme sera repoussé, comme sera exclu ceux qui ont obstrué le chemin qui menait à la voie d'Ibrahim et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, ceux qui étaient les ennemis du tawhid de la sunna, ben on ne va pas les laisser boire du bassin. Kama yusaddu anhu man sadda an tariqihima. وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ عَلَى صِرَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Et il se peut qu'avec cela, tu vas réussir à traverser le sirat, le pont, le jour de la résurrection. وَلَا تَزُلْ عَنْهُ كَمَا زَلَّ وَلَا تَزِلَّ وَلَا تَزِلَّ عَنْهُ كَمَا زَلَّ عَنْ صِرَاتِهَا الْمُسْتَقِيمِ فِي الدُّنْيَا مَنْ زَلَّ. Et afin que ne tombe pas de ce chemin comme يعني, afin que tu ne tombes pas, c'est-à-dire yom al-qiyama, sur du pont, du chemin, le sirat, comme sont tombées fi dunya certaines personnes. C'est-à-dire que de tomber dans ce bas-monde causera le fait de tomber sur du sirat, yom al-qiyama. Fa'alayka bi'idamati du'a al-fatihati ma'hawduri qalbin wa khawfin wa tadarru'a. Donc il te faut toujours faire du'a avec un cœur présent, avec la crainte, en t'humiliant devant Allah. Donc fais beaucoup la dua qu'il y a dans le Fatiha. Avec un cœur présent, vivant, avec crainte et en t'humiliant. Wa amma qawluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fal 'ibadatu kamalul mahabbati wa kamalil khudu'. Wa kamalul khudu'. Wal khawf wa dhul wa quddima maf'ul. وهو إياه وكرر للاهتمام والحصر أي لا نعبد إلا إياه ولا نتوكل إلا عليه وهذا هو كمال الطاعة والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين فالأول أو نعم التبرؤ من الشرك والثاني التبرؤ من الحول والقوة في الأوتار نوز إسبليك إياك نعبد وإياك نستعين. Probablement qu'on s'arrêtera sur cela. C'est toi seul que nous adorons et auprès de toi seul que nous recherchons d'être. L'adoration, c'est la perfection de l'amour et du rabaissement. Avec crainte et avilissement. Et dans ce verset, on a fait devancer le complément. Iyaka, c'est toi seul. Et il a été répété pour montrer son importance et le soin qu'on lui accorde. Et on a cité ici une figure de style qui nous enseigne ou bien qui nous fait comprendre l'exclusivité de ce qui est cité. D'accord ? On n'a pas dit nous t'adorons. Ici on nous dit toi que nous adorons. C'est-à-dire c'est toi seul que nous adorons. Ça c'est du tawhid. Le fait d'avoir mis au début Iyaka, ça nous donne comme sens, Ya Allah, nous n'adorons personne en dehors de toi. Tu es le seul qui mérite l'adoration, c'est toi seul que nous adorons. Et on a fait la même chose pour wa iyyaka nasta'in. Nous n'avons pas dit nasta'in ou bika. On te demande de l'aide. Non, nous ne demandons d'aide à personne si ce n'est à toi. Voici le sens. Qu'est-ce qui nous a donné ce sens-là? C'est le fait d'avoir mis au début iyyaka. Et ensuite seulement le verbe. Donc, en disant Iyaka na'budu, tu dis que Allah est le seul à mériter entièrement l'adoration. C'est quoi l'adoration? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah min al-aqwali wal-a'mal al-zahirati wal-batin. Comme a dit Ibn Taymiyyah, c'est un nom général qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et acte, que cela soit apparent ou caché. Cette adoration, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce verset, on te dit Iyaka na'budu, ça a le sens de la ilaha illallah. C'est-à-dire que personne n'est adoré en droit et en droit de l'être. Personne ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Et le sens de Iyyaka nasta'in, c'est auprès de toi seul que nous recherchons d'être, c'est-à-dire on cherche l'aide auprès de toi et auprès de personne d'autre. Avec Iyyaka na'budu, il y a la concrétisation de la parole La ilaha illallah. Et avec Iyyaka nasta'in, il y a la concrétisation de la parole La hawla wa la quwwata illa billah. Quant à la ilaha illallah, ça signifie ni une divinité ne mérite d'être adorée excepté Allah. Et quant à la hawla wa la quwwata illa billah, ça signifie personne n'a la capacité ni la force de passer d'un état à un autre si ce n'est par l'aide d'Allah, si ce n'est avec l'aide d'Allah. Je ne dois adorer ni ange ni prophète. C'est pour cela qu'Allah a dit aux compagnons dans sourate Ali Imran, le verset 80: wa la ya'murukum an tattakhidhu al-mala'ikata wan-nabiyyina arbaban ay'murukum bil-kufri ba'da idh antum muslimun. Il ne vous ordonne pas de prendre les anges et les prophètes en tant que seigneurs. Est-ce qu'il vous ordonnerait la mécréance après que vous soyez musulmans? فتامل هذه الايه واعرف ما ذكرت لك في الربوبيه. Donc médite ce verset et rappelle-toi ce que je t'ai dit sur la seigneurie. Anna laysat nisbata ila taj wa muhammad ibn shamsan fa idha kana as-sahaba law yaf'alu ha ma'a ar-rusul kafaru law yaf'alu ha ma'a ar-rusul kafaru ba'da islamihim fa kayfa biman fa'alaha fi taj. Donc Allah Azza wa Jalla nous enseigne dans le Coran que si les sahaba avaient adoré les anges ou les prophètes, ils auraient mécru. L'auteur nous dit: que dire alors de ceux qui ont adoré les awliya? A plus forte raison, ce sont des kuffars. Wa qawlu iyyaka nasta'in hadha fi amran ahaduhuma su'alul i'an. Dans iyya wa iyyaka nasta'in, il y a plusieurs choses, il y a deux choses. La première, la demande d'aide. Wa tawakkul. Il y a la demande d'aide et le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jalla et d'abandonner son affaire à Allah subhanahu wa ta'ala et se désavouer de toute force et puissance. Allez, il reste quelques pages de peur d'être trop long. On va s'arrêter à ce verset. Wa sallallahumma barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا واجعلنا هداة ومهتدين. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم عنا على الصيام، اللهم عنا الصيام، اللهم عنا على الصيام، وافقنا لما تحبه وترضى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمي برحمتك يا أرحم الراحمين، وارفع درجاتها في الجنة. واغفر لأمهاتنا وأبائنا ونسائنا واصلح ذرياتنا. اللهم اصلح ذرياتنا، اللهم اصلح ذرياتنا، اللهم اصلح ذرياتنا. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة ومهتدين. اللهم أعنا على تلاوة القرآن، اللهم أعنا على تلاوة القرآن، اللهم أعنا على تدبر القرآن، اللهم أعنا على عمل بالقرآن، اللهم أعنا على الدعوة إلى القرآن. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.